Plage 4, le nettoyage global. Pour débuter ce nettoyage de vos mémoires erronées, nous allons travailler sur l'ensemble de votre existence. Je vous recommande de débuter chacune de vos pratiques par lui, après votre phase de relaxation, même si vous désirez nettoyer un domaine précis avec les plages suivantes. Vous êtes toujours en état de relaxation, connecté à la partie divine qui est en vous. Prenez une profonde inspiration par le nez, bloquez et prononcez à voix haute « Désolé, pardon, merci, je t'aime », comme ceci. Désolé, pardon, merci, je t'aime. À présent, faisons-le ensemble. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci, je t'aime. Sentez la légèreté et la joie vous envahir progressivement. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ce que vous faites est un acte d'amour pour vous et pour votre vie. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Rappelez-vous de la signification de chaque terme du mantra. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous ne faites plus qu'un avec votre moi supérieur. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ne pensez à rien de précis, ne demandez rien. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Sentez vos programmations erronées vous quitter progressivement. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Nous allons en faire un dernier, rempli de joie, de soulagement, d'amour et de reconnaissance. Lâchez-vous. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, vous venez d'accomplir votre premier nettoyage en faisant Ho'oponopono. À présent, laissez les choses s'accomplir, les idées et les envies affluer, les opportunités se placer sur votre route. Le processus de changement est enclenché et vous ne tarderez pas à le voir se manifester. Maintenant, vous pouvez soit poursuivre votre nettoyage thème par thème avec la suite de cet enregistrement, auquel cas, demeurez dans cet état de calme et de connexion avec votre moi supérieur. Ou bien, vous pouvez l'interrompre pour le reprendre à un autre moment. Si tel est votre désir, prenez tout votre temps pour revenir dans l'univers matériel, dans le ici et maintenant.